La guerre de l'espace aura-t-elle lieu, à en croire les réactions internationales et le ton alarmiste des médias d'info gênés cette semaine? La destruction par la Russie d'un vieux satellite des années 80 avait tout d'un casus belli. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ce genre de tir se produit et qu'il est fermement condamné. Où en sommes-nous de l'escalade militariste en orbite terrestre? Ce sera notre débat du jour. Il sera également question de l'absence de signes de vie extraterrestre, de la découverte d'un trou noir stellaire dans le grand nuage de Magellan et du fourmilier, un bien étrange animal, comme on aimerait en voir plus souvent. Guerre spatiale, vie extraterrestre, trou noir et fourmilier, c'est le programme spatio-insectivore qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour déployer et commenter devant vos oreilles ébahies la guerre de tous contre tous en orbite terrestre ou la guerre du fourmilier contre les fourmis dans les forêts d'Amérique du Sud, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Carassou. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Auteur de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder et récent papa d'un beau bébé de près de 300 pages, Le Cosmos et nous, c'est aux éditions Équateur et vous nous en direz un mot tout à l'heure bien sûr. Cécile Breton, bonjour Cécile. Bonjour, bonjour à tous. Rédactrice en chef de la revue Espèce et Blaise Mao, bonjour. Bonjour Nicolas. Rédacteur en chef de Ouzbek et Rika qui fête lui ses 10 ans et vous nous en direz également un mot de numéro spécial que vous sortez pour l'occasion sur le thème du futur. Mais avant cela, elle farfouille l'actualité scientifique non pas avec sa langue longue et gluante qui piège des insectes mais avec d'autres parties de son corps et de son esprit que nous ne révélerons pas. C'est Natacha. Mon cerveau bien sûr, bonjour bien Nicolas. Bien entendu Natacha, c'est Natacha Trieux pour le Journal des Sciences. Et selon une étude, Natacha, parue hier dans la revue Science, le point de départ de l'épidémie de Covid-19 serait bien, malgré tout et après tout, le marché alimentaire de Wuhan à Wuhan. Oui, ce chercheur américain apporte une nouvelle pièce du puzzle pour tenter de répondre à la question de l'origine de la pandémie. Alors dans cette étude, il réalise une chronologie des débuts du Covid-19 à Wuhan. C'est un article descriptif qui compile plusieurs études. Il part des observations et des localisations des premiers cas déclarés par les autorités chinoises. Ces premiers cas d'une infection que maintenant on appelle le Covid-19, mais qui à l'époque était une pneumonie infectieuse non identifiée. Après avoir replacé tous ces cas sur une carte de Wuhan, il constate que tous ces patients sont liés au marché de Wuhan, où on vend des mammifères vivants et notamment des chiens viverrins. Il fait donc l'hypothèse du chien viverrin comme hôte intermédiaire potentiel entre l'humain et la chauve-souris et il s'appuie pour ça sur l'antécédent du SARS-CoV-1 qui a émergé en 2003 en Chine. Anne Goffard est médecin, virologue au CHU de Lille et enseignante à la faculté de pharmacie de Lille. La difficulté, c'est que on sait où, donc tous les cas qui ont été décrits sont des personnes qui sont allées à l'hôpital, donc qui ont développé ce qu'on appelle maintenant des formes graves. Mais on sait que cette infection donne des formes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Donc probablement des cas qui n'ont pas été décrits parce qu'ils n'étaient pas à l'hôpital et que ça n'a pas alerté les autorités ou les médecins chinois, mais du coup qui ne sont pas répertoriés dans cette étude. Donc ça, c'est une des premières limites de cet article. L'autre limite que moi j'y vois, c'est que l'auteur ne prend pas en compte la notion qu'on appelle de super spreader ou super contaminateur en français. C'est-à-dire que une ou plusieurs personnes peuvent en contaminer un très grand nombre d'autres. Ça peut aller jusqu'à 50 autres personnes, hein, ça a été décrit dans certains cas. Et donc cette notion-là qui aurait pu exister par exemple au marché, dans ce marché, il ne l'évoque pas. Lui n'évoque que le fait que ce virus viendrait d'une origine animale. Or, à la date d'aujourd'hui, on ne peut toujours pas le dire. Enfin, il y a plusieurs soucis qu'on a avec l'origine du SARS-CoV-2, c'est qu'on n'a pas accès à des prélèvements qui auraient été réalisés dans ce marché sur des animaux vivants qu'on aurait pu prélever. Les autorités chinoises ne donnent pas accès aux prélèvements qui auraient été réalisés chez les premiers humains et qui pourraient nous aider à séquencer, à connaître, voilà, à caractériser mieux le génome viral. Du coup, ben, pour l'instant, voilà, on émet des hypothèses, on suppute, on réfléchit, mais on ne peut pas apporter de preuves rigoureuses et bien validées, quoi. En bref, selon une étude parue dans Ecology and Evolution, l'Europe connaît un déclin impressionnant de son nombre d'oiseaux. Une équipe européenne a étudié 40 ans de données de surveillance de 445 espèces d'oiseaux. En Europe, aujourd'hui, il y a 620 millions d'oiseaux de moins qu'en 1980. Un oiseau sur six a disparu en 40 ans, ce qui représente un déclin de près de 20%. Certaines espèces sont plus touchées que d'autres, comme les moineaux, avec une chute de 60%. La destruction des habitats naturels, l'effondrement du nombre d'insectes et la pollution sont les principales causes de ce déclin vertigineux. Les auteurs militent pour l'instauration urgente d'une loi européenne sur la restauration de la nature pour réduire cette menace d'extinction. Et pour notre deuxième sujet, comme pour tous les vendredis actu, désormais, nous mettons un coup de projecteur sur une étude sortie des laboratoires français, une étude parue en l'occurrence hier dans la revue Nature Neuroscience, étude selon pour laquelle les perturbateurs endocriniens seraient impliqués dans les troubles de la fertilité. Et ces chercheurs ont suivi chez des rats les interactions d'un système neuronal clé pour le développement de la puberté et de la fertilité. Chez la petite fille, chez le petit garçon ou chez des ratons, les neurones à GnRH vont se mettre à recruter un autre type de cellules, des cellules gliales qui s'appellent des astrocytes. Ce sont ces astrocytes qui vont permettre à ces neurones à GnRH de recevoir les informations de notre corps, les œstrogènes ou la testostérone. Ces premières interactions de ce système astrocyte GnRH ont lieu après la naissance. C'est ce qu'on appelle la mini-puberté. Les chercheurs ont voulu voir si le bisphénol A, un perturbateur endocrinien que l'on trouve dans de nombreux plastiques, pouvait perturber ces interactions. Sur des ratons, ils montrent que le bisphénol A empêche ces astrocytes de s'arrimer aux neurones à GnRH, ce qui va altérer à l'âge adulte les fonctions reproductrices. Vincent Prévost est directeur de recherche à l'INSERM, au laboratoire Lille Neurosciences et Cognition. Il est le co-auteur de cette étude. Le bisphénol A et les perturbateurs endocriniens en général, en fait, sont des molécules impliquées dans la composition des plastiques qui vont mimer de manière extrêmement fidèle l'aspect de certaines molécules qui existent naturellement dans notre corps. Par exemple, ici, le bisphénol A, on pense qu'il mime parfaitement les œstrogènes, les stéroïdes gonadiques, c'est-à-dire les hormones stéroïdes qui vont être sécrétées par les gonades. Et du coup, il ressemble tellement bien à ces œstrogènes qu'il va pouvoir se fixer aux récepteurs de ces œstrogènes et ainsi tromper l'organisme. L'organisme croit qu'il reçoit un signal des gonades, des ovaires ou des testicules. Du coup, il va prendre une décision en conséquence, sauf que c'est une fausse information, c'est de l'intox par notre environnement. En fait, ça peut expliquer les troubles qui sont survenus chez des gens qui sont nés avant 2015, sachant que le bisphénol A est présent, par exemple, dans les biberons en plastique. Donc maintenant, c'est vrai qu'il est interdit et c'est une bonne nouvelle. Cependant, deux choses. Il se peut qu'il y ait des personnes qui aient gardé que des biberons ou des tupperwares. Et par ailleurs, les plastiques, ils sont aussi utilisés pour le recyclage. Donc éventuellement, les biberons en plastique ou les bouteilles alimentaires qui ont sûrement été recyclées. Donc et ils sont toujours là dans notre environnement. Donc on est exposé tous les jours à des concentrations, peut-être même infimes, de ce bisphénol-là. Ce qui est perturbant pour l'organisme, ce ne sont pas forcément les fortes doses de ces perturbateurs endocriniens, de manière troublante, les doses extrêmement faibles. Ces doses extrêmement faibles de perturbateurs vont vraiment mimer exactement la forme des stéroïdes gonadiques endogènes, mais aussi leur concentration, en fait. Alors que si vous avez de trop fortes doses de ce perturbateur endocrinien, eh bien, l'organisme ne va pas comprendre le message correctement, il va l'ignorer en fait. Également dans l'actualité scientifique cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, on apprend le lancement du premier essai clinique de phase 1 pour un vaccin nasal contre la maladie d'Alzheimer. Ce spray nasal devrait déclencher des globules blancs pour éliminer les plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau. Face à une population mondiale vieillissante, le nombre de personnes vivant avec cette maladie devrait plus que doubler au cours des deux prochaines décennies. Cette semaine, la France a mis en orbite de nouveaux satellites espions, Ceres, un trio de satellites pour l'écoute des signaux radars et de télécommunications. Construit par Airbus Defence and Space et Thales, cela représente plus de 20 ans de recherche. Jusqu'à présent, Seule la Russie, la Chine et les États-Unis étaient dotés de cette technologie et de ce système de renseignement d'origine électromagnétique. Et enfin cette semaine, l'hypothétique planète 9, qui existerait aux confins de notre système solaire, derrière Neptune, qui n'a encore jamais été détectée mais qui expliquerait les perturbations gravitationnelles qu'on observe, cette planète 9 a peut-être été déjà détectée en 1980. Dans les archives d'un ancien télescope, il y aurait les preuves d'un objet de 3 à 5 fois la masse de la Terre, à peu près à l'emplacement prévu. Mais on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une planète ou non. Le mystère reste entier. Et on finit ce journal, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables. Aujourd'hui, Natacha, les physiciens se posent une question depuis longtemps. Nous en avions d'ailleurs déjà parlé ici. Peut-on cuire un poulet en lui mettant une grosse baffe ? Eh bien, la réponse est oui, puisque ça vient d'être prouvé par un youtubeur. Si l'énergie cinétique est convertie en énergie thermique, à quel point dois-je gifler un poulet pour le faire cuire ? C'était la question lancée sur les réseaux sociaux. Depuis, des physiciens ont déjà répondu que oui, c'est théoriquement possible. Je cite, « La main humaine moyenne pèse environ 400 grammes, la gifle moyenne a une vitesse de 11 mètres par seconde, un poulet rôti pèse 1 kilo. Supposons que le poulet doit atteindre 200 degrés pour qu'il soit cuit. Une gifle moyenne générerait une augmentation de température de 0,0089 degrés. Il faudrait donc 23 000 gifles en moyenne pour cuire un poulet. » Un youtubeur l'a fait avec sa machine, le Meat Slapper, le gifleur à viande. Après 8 heures et 135 000 gifles, le youtubeur a dégusté un son poulet cuit. Une viande bien cuite, je cite, mais à la texture pas terrible. Et on s'étonne ensuite que la science ne fasse pas plus d'émules que ça quand on arrive à ce genre de démonstration. À ne pas faire sur votre enfant, évidemment. Merci beaucoup, Natacha. Et à lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et l'actualité scientifique cette semaine, c'est également ce missile russe qui a été tiré dans la nuit du 14 au 15 novembre pour détruire un ancien satellite hors service. Problème, cette destruction a généré des milliers de débris plus ou moins gros, mais surtout plus ou moins de dangereux, non seulement pour les autres satellites alentour, mais aussi pour les passagers de la Station Spatiale Internationale qui ont dû se réfugier en urgence dans les capsules de retour pour se parer à l'éventualité d'un abandon de l'ISS et à un scénario à la Gravity. La condamnation internationale de ce tir terre-espace a été à peu près unanime et pourtant ce n'est ni la première et certainement pas la dernière fois qu'un pays teste ses capacités de destruction de satellites en orbite, comme en atteste notre montage du jour signé Olivier Bétard. La semaine dernière, le Premier ministre indien pérorait à la télévision. Modi se félicitait que son armée ait pu détruire un satellite avec un missile à l'occasion d'un exercice. Jusqu'ici, seuls l'Amérique, la Russie et la Chine en étaient capables. L'Inde faisait donc son entrée dans la guerre des étoiles. Mais une semaine plus tard, on en découvre le côté obscur. La destruction de ce satellite indien a créé des centaines de débris spatiaux qui risquent d'abîmer d'autres satellites, voire d'endommager la Station Spatiale Internationale. La NASA est en colère, mais l'Inde fait comme si de rien n'était. Frayeur pour les trois Américains et l'Allemand, arrivés à peine il y a 72 heures à bord de l'ISS, ils ont dû regagner d'urgence la capsule Dragon, transformée en radeau de sauvetage. Les trois autres passagers, eux, ont pris place à bord d'une capsule Soyouz, elle aussi prête à les ramener d'urgence sur Terre. Le danger était d'être percuté par des débris spatiaux. Il y a quelques jours, les Russes auraient testé depuis la Terre, un missile qui aurait pulvérisé un de leurs vieux satellites. Bilan, 1500 débris filant à 20 fois la vitesse d'une balle de fusil se retrouvent sur l'orbite de l'ISS. Voilà, l'Inde hier, les États-Unis, la Chine, la Russie aujourd'hui. On sait que les débris spatiaux sont un risque important. Quand on parle de scénario à la Gravity, ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de Kessler. Alors est-ce que les médias en ont trop fait ? Est-ce qu'on surjoue cette future guerre de l'espace ? Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un problème et d'un danger pour les années à venir, tant pour la sécurité des futurs astronautes qui seraient en orbite terrestre que bien simplement pour le reste des satellites et des futures constellations qui vont se déployer par dizaines de milliers d'unités. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Carassou ? Est-ce que vraiment la guerre de l'espace a commencé ou est-ce qu'elle est en train de prendre une forme en s'infiltrant dans les interstices du traité de l'espace de 67 ? Alors, le traité de l'espace de 67, justement, qui empêche la mise en orbite d'armes atomiques, n'est absolument pas contraignant pour les armes conventionnelles. Et évidemment, on se sert, enfin, la plupart des puissances se servent de cette entourloupe pour pouvoir lancer ce qu'ils veulent. Le fait de militariser l'espace, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on fait depuis la fin des années 50. Et comme vous le disiez plus tôt, bah, la Chine, l'Inde, la Russie et aussi les États-Unis, hein, qui ont été très prompts à critiquer la Russie. Mais les États-Unis, ils sont pas en reste, hein, parce que dans les années 80, ils faisaient aussi des tests d'envoi de missiles, notamment pour, parce que c'est un enjeu stratégique assez important, hein. Il y avait une étude qui avait été commissionnée par le département du commerce américain qui avait montré il y a quelques années qu'une panne de GPS d'une durée d'un mois pourrait coûter aux États-Unis jusqu'à $1 milliard par jour. Donc ça a des impacts assez incroyables. Alors aujourd'hui, on arrive à suivre la trajectoire de la plupart de ces débris s'ils ont à peu près 10 cm ou plus. On pense qu'il y en a à peu près 27 000 autour de la Terre en ce moment. Mais évidemment, il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Et plus on va dans des petits débris, plus il y en a. Et on pense qu'il y a, par exemple, plus de 100 millions de débris de plus d'un millimètre autour de la Terre. Mmh. Et ça, bah, comme vous le disiez, ça peut générer sur le long terme ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui pourrait limiter notre accès à l'espace ou en tout cas le rendre beaucoup plus dangereux dans les décennies à venir. Alors c'est un scénario théorique, pour revenir à ce que c'est le syndrome de Kessler. C'est un scénario théorique qui prédit que les collisions de débris entre eux vont s'auto-entretenir et auto-entretenir la population de débris à un rythme plus élevé que celui de leur élimination naturelle par les frottements dus à la gravité de la Terre et aux résidus d'air atmosphérique. Donc, en gros, même si demain on arrêtait d'envoyer quoi que ce soit dans l'espace, eh ben, le nombre de débris continuerait à augmenter de manière exponentielle et ça rendrait certaines orbites complètement impraticables. C'est ça, c'est-à-dire qu'à terme, ça peut complètement boucher une orbite, c'est-à-dire à force de réaction en chaîne, de réaction en chaîne, de réaction en chaîne, il y aurait trop de débris pour qu'il soit vraiment sûr de renvoyer un nouveau satellite fonctionnel sans qu'il soit lui-même pris dans ce maelstrom de construction de débris. Peut-être que ce qui change, parce que c'est vrai qu'on a entendu la communauté internationale, Blaise, critiquer très très vivement ce tir, ce qui était déjà le cas pour l'Inde il y a quelques années, mais ce qui change, c'est peut-être effectivement la population des satellites, l'augmentation drastique de tirs de satellites tous les ans, hein, parce que, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que l'année dernière a été tiré en un an quasiment autant de satellites que depuis le début de la conquête spatiale. Donc là, effectivement, aujourd'hui, ça a vraiment des répercussions qui sont très très inquiétantes pour la suite de l'utilisation de l'orbite terrestre. Bah, le dernier tir, le tir russe, confirme qu'effectivement l'espace est devenu un champ de conflictualité comme les autres, comme un autre. C'est un peu passé sous les radars, mais au sommet de l'OTAN de juin dernier, dans la déclaration finale, il est écrit que les attaques dirigées vers l'espace, en provenance de l'espace ou dans l'espace, représentent un réel défi pour la sécurité de l'Alliance. Et comme dans le cyberespace, comme pour la branche cyber, désormais une attaque contre un des membres de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les alliés. Donc ça, c'est vraiment un tournant et ça appelle le début d'un nouveau cadre d'action et effectivement une réforme de ce traité de 67. Et il y a un autre point qui est important, c'est que là, on a un tir classique qui détruit un vieux satellite qui date des années 80 et qui est en panne depuis un moment. Mais ce qui est intéressant, c'est la recherche sur ce qu'on appelle les armes à énergie dirigée pour neutraliser ou brouiller les communications des satellites. Et là, on peut se retrouver exactement dans la même situation qu'avec le cyberespace, c'est-à-dire des attaques beaucoup plus difficiles à identifier. Où on va avoir ce qu'on appelle un faisceau d'indices sur le tireur ou le brouilleur potentiel, donc ça va être beaucoup plus difficile de détecter les tirs. Donc il est possible qu'on voit se passer dans l'espace ce qui se passe déjà dans le cyberespace. Ça, c'est peut-être un tournant. C'est Breton, un mot ou un commentaire sur cette affaire en général et sur la façon dont peut-être ces choses... Parce que finalement, quand les Russes détruisent en orbite ou les Indiens, ils tirent aussi contre eux d'une certaine manière puisque ces débris sont un danger pour absolument tout le monde. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu un prétexte. Hein. C'est-à-dire, on détruit son satellite parce qu'il est devenu dangereux. Je crois que les Américains avaient donné un moment le prétexte qu'il y avait une histoire de carburant qui était resté à l'intérieur, etc. Mais c'est assez moi qui découvre un peu le sujet. Évidemment, c'est pas du tout mon domaine. C'est surtout sur l'historique que vous avez rappelé que c'est assez étonnant parce que finalement, la guerre, la destruction du satellite a déjà été envisagée presque l'année suivante du lancement de Sputnik en 58. Par les Américains, quoi. Donc en fait, finalement, cette espèce de guerre larvée, elle existe depuis très longtemps. Moi, j'en avais pas vraiment connaissance. Bon, c'est vrai que... Donc la façon dont c'est présenté d'une façon médiatique, quand on connaît pas le sujet, effectivement, on a l'impression que c'est un peu exceptionnel. Alors moi, je me suis demandé, d'ailleurs, justement, ce que ce tir avait d'exceptionnel, hein, peut-être parce qu'il avait justement mis en danger l'ISS. Mais en fait, finalement, je vois qu'il y a les Chinois, les Américains. Alors c'est marrant parce que justement, les Russes détruit d'un satellite, et puis donc il y a levée de bouclier des Américains. Les Américains détruisent à leur tour un de leurs satellites un an après, je crois que c'est entre 2007 et 2008. C'est ça. Enfin oui, c'est assez, c'est un peu le Far West là-haut. C'est vrai que quand on découvre le sujet. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, Sébastien, c'est que la station spatiale a déjà été heurtée par des débris, alors des petits débris, mais tout de même des débris qui peuvent faire des trous de quelques millimètres, voire quelques centimètres. Et qui peuvent vachement faire peur, hein, parce que c'est des débris qui vont à 28 000 km/h, hein, donc ça a une énergie cinétique considérable. Et l'ISS en a fait les frais en pas plus tard qu'en juillet dernier, lorsqu'un minuscule débris a fait un trou d'un demi centimètre dans l'un des bras robotiques de la station. Et ils ont eu beaucoup de chance que ça arrive dans ce bras robotique, parce que si ça avait touché certains points vitaux de la station, ce serait des dégâts qui seraient absolument irréparables. Ouais. Alors il faut aussi peut-être faire attention, et on voit souvent et suite d'ailleurs à ce tir russe cette animation où on voit la Terre entourée d'une myriade de points qui gravitent. On a l'impression que c'est véritablement un dépotoir. Il faut rappeler que cette animation, cette carte n'est absolument pas à la bonne échelle malgré tout. Tout à fait, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, le syndrome de Kessler, ce n'est pas un processus aussi rapide que dans le film Gravity. C'est un processus très lent qui s'étale sur plusieurs décennies. Il n'y a pas non plus de risque de développer un anneau de débris stable, une sorte d'anneau comme Saturne peut en avoir de débris à cause des frottements de l'atmosphère qui vont faire retomber pas mal de ces débris. Par contre, on en crée plus qu'il s'en dégage par ce processus. Donc c'est ça qui est important à garder en tête, et c'est pour ça qu'il faut développer des technologies, réfléchir à des technologies qui retirent activement des satellites obsolètes qui pourraient potentiellement accumuler plus de débris plus tard. Et aujourd'hui c'est un champ de recherche, hein. Comment nettoyer les orbites, comment créer des satellites? Alors il y a des histoires avec des fusées, il y a des histoires avec des aimants. Tout à fait. Il y a plusieurs possibilités, en tout cas. Alors, notamment, en 2018, il y a un satellite qui s'appelle Remove Debris de l'Agence spatiale européenne, qui a été lancé à 300 km d'altitude. C'est un démonstrateur technologique qui a démontré qu'il était capable de capturer des débris à l'aide d'un énorme filet. Donc, c'était un truc de la taille d'une boîte à chaussures. Donc, ça montre qu'on peut faire ça. Maintenant, il faut sélectionner les bons objets à rapatrier sur Terre et le faire de manière stratégique. Blaise, pour conclure, peut-être un mot sur cette question de la guerre de l'espace, parce que bon, il y a ces tirs qui créent des débris. Il y a eu aussi des suspicions de piratage en orbite de satellites par un autre satellite. Il y avait eu une affaire avec un satellite chinois qui avait posé pas mal de questions. Est-ce que là aussi, on est dans un terrain géopolitique où chacun fait un peu ce qu'il veut en essayant de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'au moment où il y aura une ligne franchie et où tout le monde va se retrouver à non plus seulement lever des boucliers, mais vraiment lever des armes? Oui, il est probable que dans l'espace, on retrouve un peu la problématique cyber, ce que je disais, c'est-à-dire qu'on s'en serve pour montrer jusqu'où on peut aller. Et après, éventuellement, il peut y avoir un franchissement de ligne rouge. Ce qui est intéressant, c'est quand même tous les satellites qui sont en orbite basse inférieure à 1000 km sont à portée de missiles. Ça, faut quand même l'avoir en tête. Et je pense que la grande urgence, c'est de mettre à jour ce traité de 67 pour contraindre à nettoyer les orbites et financer des missions pour redescendre les satellites en panne. Je vois pas d'autres solutions, c'est-à-dire conditionner l'envoi. Pour accélérer la chute dans l'atmosphère. Bien sûr. Mmh. Et après, ça se dissout et ça s'abîme dans l'atmosphère. Mais il faut absolument redescendre ces vieux satellites en panne et peut-être conditionner des lancements à cette obligation de redescendre derrière ça. Après, il faut pas oublier que les Russes sont traditionnellement très démonstratif en termes de puissance militaire. On se souvient, il y a 2 ans, ils avaient fait un immense... C'était sur Terre, hein, c'était pas dans l'espace. Ils avaient fait un immense défilé sur leurs nouvelles armes. Ça fait partie de leur tradition. Et là, on n'est clairement pas sur un... Il n'a rien d'exceptionnel, ce tir. Ce qui a attiré l'attention médiatique, c'est ce qui s'est passé, ce qui a failli se passer pour les personnes qui étaient dans l'ISS, pour les astronautes. Mais c'est finalement un tir assez classique, assez banal. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer donc à nos 3 dossiers du jour. Il va être question d'un trou noir, il va être question de vie extraterrestre et également de vie presque extraterrestre sur Terre, puisqu'on vous parlait de ce bien étrange fourmilier ou tamanoir, appelez-le comme vous voulez. Me on it. Life in Outer Space d'Elephant Castle à 16h25 sur France Culture. On va passer au premier dossier de ce vendredi. On va vous parler de ce trou noir stellaire qui a été détecté dans le grand nuage de Magellan. Mais avant ça, j'ai dans les mains ce joli livre avec une très belle couverture, soit dit en passant, une silhouette humaine noire sur un fond bleu étoilé. Ça s'appelle Le Cosmos et nous. C'est signé Sébastien Carazzou. C'est aux éditions Équateur. Et c'est une sorte de voyage de l'infiniment petit et local vers l'infiniment grand et universel, Sébastien. Absolument. En fait, c'est une exploration des questions existentielles qu'on se pose depuis qu'on est tout petit. Genre, de quoi on est fait? D'où vient l'univers? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Et c'est une espèce de plaidoyer de l'émerveillement que je ressens quand je contemple une image du télescope spatial Hubble ou un paysage cellulaire révélé par des microscopes électroniques. Et donc voilà, c'est un livre qui part de ces grandes questions au prisme de la science et qui essaie de faire une espèce de vision d'ensemble de ce que les sciences du 21e siècle nous disent sur ces questions-là. Oui, vous le dites d'ailleurs assez joliment à la toute fin dans l'épilogue de ce livre. Vous dites que vous avez, et ça se ressent d'ailleurs quand on regarde le livre et quand on le lit, c'est que vous avez vraiment voulu transmettre cette faculté d'émerveillement qu'il y a, quand on est évidemment vulgarisateur scientifique, mais simplement à regarder l'espace, à s'intéresser à l'espace, et ça va, ça ne demande pas un doctorat en astrophysique, mais juste en regardant les étoiles, juste en mettant son œil dans une lunette ou dans un microscope pour regarder des cellules, c'est vraiment ce sense of wonder que vous avez toujours défendu, puisque c'est le nom de votre chaîne YouTube. Tout à fait. En fait, c'est une célébration de cette espèce de sentiment de se sentir connecté à quelque chose de plus grand et de révéler les liens qu'on partage avec le reste du cosmos. Vous savez que, comme Hubert Reeves disait, on est tous des poussières d'étoiles. C'est Carl Sagan d'ailleurs, alors ça que vous... Alors, Carl Sagan, mais il n'était pas le premier à le dire non plus. Vous qui êtes un grand fan de Carl Sagan. Absolument. Mais en France, elle a été popularisée par Hubert Reeves. Tout à fait. Alors, Carl Sagan disait « We are star stuff », qui n'est pas la même chose que poussière d'étoiles. Les traductions... Non, mais vous avez absolument raison. Mais voilà, donc l'astrophysique contemporaine nous révèle pas mal de choses sur les liens qu'on partage avec le reste du cosmos. La biologie de l'évolution aussi nous révèle les liens qu'on partage avec l'ensemble du vivant sur Terre. Ils nous disent qu'on est une grande famille issue d'une grande lignée microbienne qui s'étale depuis plusieurs milliards d'années. Jusqu'à Luca, Last Universal Common Ancestor. Absolument. Première cellule qui a créé a priori tout le vivant. Tout à fait. Si nous pouvons manger des bananes, c'est parce que nous avons de l'ADN et que nous en partageons certainement 40% avec. Absolument. Et l'idée, c'est de se replacer dans la nature, dans les échelles temporelles et spatiales de la nature, et de le faire de la manière la plus immersive possible. Alors, vous connaissez un talent certain de vulgarisateur pour l'espace. Là, vous sortez aussi un peu de votre zone de confort, puisque vous allez explorer effectivement un peu de biologie. Alors, de la biologie qui est toujours un peu en lien avec la cosmologie, mais avec vraiment cet appétit ou cette curiosité pour effectivement certainement des questions qu'on peut se poser d'ailleurs à partir de l'âge de 10 ans. Alors, c'est peut-être un peu jeune pour lire le livre, mais enfin, pour les parents, ça donne un élément de réponse scientifique assez intéressant pour répondre parfois aux questions des enfants, tout simplement. Tout à fait, et c'est lisible à partir de l'adolescence. Il y a zéro équation dans le livre, mais l'idée c'est vraiment Vous êtes retenu de ne pas mettre d'équation. Je me suis énormément retenu de ne pas mettre d'équation. Le faire ça sans E égale MC2, déjà c'est très très difficile, mais ça se fait. Et vous dites aussi, Sébastien, vous avez écrit ce livre notamment pendant le confinement, et vous dites que c'est l'expérience intellectuelle la plus enrichissante que vous ayez eue. Absolument, et c'est une expérience qui a été drôlement thérapeutique en pleine époque de confinement, parce que je me sentais vraiment isolé à ce moment-là. Et le fait de se sentir faire partie d'une communauté qui partage des données et qui essaie de répondre à des questions fondamentales durant une fraction non négligeable de leur vie, moi, ça m'a fait me reconnecter avec tous ces domaines, avec tous ces gens. J'ai un rôle modèle, on va dire, qui est décédé depuis maintenant plusieurs siècles, c'est l'explorateur allemand Alexander von Humboldt, qui était ce naturaliste allemand qui a parcouru notamment l'Amérique du Sud et à qui on doit des idées fondamentales de l'écologie aujourd'hui et de la biogéographie. Et il avait fait cet ouvrage qui s'appelait Cosmos, essai d'une description physique du monde. Et donc dans ce livre, il mettait en exergue sa vision un peu holistique du cosmos. C'était avant l'établissement des sciences, l'institutionnalisation des sciences en tant que plusieurs disciplines. Et du coup, on trouvait des liens entre plein de domaines scientifiques différents à travers une seule vision exaltée et romantique de la science. Oui, c'est exactement ce qu'il y a dans ce livre, hein, une sorte de vision panoramique, de lien entre les sciences. Il y a de la biologie, il y a de la géologie, il y a des pains de mie qui s'étendent avec de la levure. Il y a des dessins, il y a des photos. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël, je vous le recommande vivement. Le Cosmos et nous, c'est aux éditions Équateur, du camarade Sébastien Carassou, qui est un bien beau livre. On va revenir à nos moutons, Sébastien, puisque vous êtes venu également pour nous parler, eh bien, de notre dossier du jour, le premier, ce trou noir qui a été détecté dans le grand nuage de Magellan, qui s'appelle NGC 1850. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce trou noir, Sébastien ? Alors, ce trou noir, c'est qu'il se trouve dans une autre galaxie que la nôtre. Il se trouve dans le nuage de Magellan, à 160 000 années-lumière d'ici. Et donc, dans une étude publiée le 11 novembre dernier dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, donc on a une équipe internationale d'astronomes qui a annoncé la première détection directe d'un trou noir dans un amas d'étoiles qui se situe hors de notre galaxie à l'aide d'une nouvelle technique. Et cette technique, elle a fait ses preuves très très récemment. Donc ce trou noir, il se trouve donc dans cet amas d'étoiles qui contient plusieurs milliers d'étoiles, essentiellement jeunes, hein, parce que la plupart ont moins de 100 millions d'années. Et donc pour détecter ce trou noir, les astronomes, ils ont eu recours à une méthode qui est d'ordinaire utilisée pour détecter des exoplanètes. C'est une méthode qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Et donc, en gros, lorsque vous avez deux astres qui sont en couple, qui sont gravitationnellement liés, on appelle ça un système binaire, et ben la lumière qui nous parvient de ces astres, elle peut être décalée vers le bleu ou vers le rouge, selon qu'elle s'éloigne ou qu'elle se rapproche de l'observateur. Donc ça peut nous donner une idée de la vitesse d'éloignement et de rapprochement de ces astres. Et donc, quand on observe un système binaire, on s'attend à voir des oscillations périodiques de la lumière de ces astres en couple. Sauf que dans le cas qui nous intéresse, les astronomes, ils ont observé un amas d'étoiles avec l'instrument MUSE du Very Large Telescope qui est situé au Chili, et ils ont observé une étoile qui présentait des oscillations particulièrement grandes en termes de vitesse, ce qui veut dire qu'elle est en couple avec un astre qui est quand même particulièrement massif, peut-être très compact, qui lui permet d'avoir une très très grande vitesse. Et cet astre, ça pouvait pas être une autre étoile tout simplement ? Ça pouvait pas être une autre étoile parce qu'on l'a observé avec d'autres instruments et on se rendait compte qu'elle n'émettait pas de lumière. Et donc, ce compagnon invisible qui génère une force gravitationnelle, ça ne peut être qu'un trou noir. Alors jusqu'à présent, on avait trois méthodes pour détecter les trous noirs. Soit on utilisait les ondes gravitationnelles qu'elles émettent, c'est-à-dire les tremblements d'espace-temps qu'elles émettent lorsque deux trous noirs fusionnent entre eux pour donner un trou noir plus grand. On peut détecter les rayonnements qui sont ultra-énergétiques, donc des rayons X ou des rayons gamma qu'ils émettent s'ils sont entourés d'un disque de matière très chaud. Ou on peut étudier la trajectoire des étoiles qui orbitent autour de lui. Ça, c'est ce qu'on peut faire pour des gros trous noirs supermassifs, notamment au centre de notre galaxie. Et ben maintenant, on a une quatrième méthode, la méthode des vitesses radiales, qui va nous permettre, à terme, de détecter plein de nouveaux trous noirs à partir des mouvements orbitaux qu'elles génèrent sur leur étoile compagnon lorsque ils sont dans des systèmes binaires très très rapprochés. Et pourquoi du coup ce trou noir-là en particulier est intéressant ? Parce que finalement, en fait, on a assez peu accès à ce genre de couple trou noir de taille stellaire, étoile. On voit plus facilement, et notamment via les ondes gravitationnelles, des couples de trous noirs, des trous noirs avec d'autres objets très lourds comme des naines blanches. Mais là, c'est finalement une photo qu'on a peu l'habitude de voir. C'est qu'on a peu l'habitude de voir et qu'on a peu l'habitude de voir dans un tel environnement, en fait, des amas d'étoiles très très jeunes. En fait, ça nous donne accès à des trous noirs qui se sont formés très très récemment. Et ça nous donne plein d'informations sur... Il faut évidemment accumuler beaucoup plus de données pour pouvoir faire des statistiques, mais ce qui intéresse les astronomes aujourd'hui, c'est de voir la distribution de masse que peuvent avoir ces trous noirs à leur naissance, et puis surtout d'avoir accès à comment est-ce qu'ils accrètent de la matière au fil du temps. Est-ce qu'ils vont fusionner avec d'autres trous noirs ? Est-ce qu'ils vont accumuler du gaz avec des étoiles autour duquel elles se forment ? Et donc ça, c'est des questions très très très très pratiques qu'on commence à peine à pouvoir répondre grâce aux instruments dont on dispose aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a identifié, on peut ensuite aller chercher d'autres indices, et notamment via les rayons X, qui nous permettent de savoir où en est cette relation entre le trou noir et l'étoile, puisque le trou noir, bien comme ils sont très proches, grignote, ou en tout cas mange petit à petit les couches supérieures d'hydrogène de l'étoile, et ces rayons X peuvent nous apporter d'autres éléments, et on va pouvoir suivre petit à petit, en fait, l'évolution de ce couple. Tout à fait. Alors, le couple d'étoiles en question, donc on a une grosse étoile qui fait à peu près 5 fois la masse du Soleil, et ce trou noir qui fait 11 fois la masse du Soleil. Et le fait d'avoir accès à la masse du trou noir, c'est quelque chose dont on a la chance d'avoir, parce qu'en fait c'est une information assez rare, et on le sait parce que le trou noir a commencé à déformer la forme de l'étoile. Elle lui fait prendre une espèce de forme de poire, où on a la tête de la poire qui est tournée vers le trou noir. Et le fait de regarder ce système à plusieurs reprises pendant 2 années avec l'observatoire du Very Large Telescope, on a pu en déduire l'angle sur lequel on observait ce système binaire, et donc on a pu retrouver la masse du trou noir. Et ça, c'est super important pour savoir comment est-ce que ces trous noirs évoluent au fil du temps. Eh bien, peut-être une future émission consacrée à ces couples trou noir-étoile. Merci beaucoup Sébastien, et encore une fois, on reparlera tout à l'heure un mot de ce cosmos. Et nous, on va passer à autre chose, puisqu'on est très loin dans l'espace, dans le grand nuage de Magellan. On va aller chercher non pas des trous noirs, on va aller chercher des petits aliens. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et oui, du trou noir aux étranges extraterrestres, il n'y a qu'un pas. Et Blaise, vous nous faites un petit remake aujourd'hui du paradoxe de Fermi, puisque vous allez nous expliquer que les extraterrestres, on n'en trouve pas et c'est bien normal. Alors j'espère vous donner un peu d'espoir. Ah, quand même. Cette démonstration. Mais oui, vous savez donc que depuis 1995 et la découverte de la première exoplanète, il se passe quasiment pas une journée sans qu'une nouvelle exoplanète soit détectée ou soupçonnée, que son existence soit soupçonnée. J'exagère à peine, hein, on est à plus de 4000 exoplanètes et tout pousse à croire que le rythme va encore s'accélérer avec l'accélération des découvertes, notamment on espère le lancement du James Webb télescope. Exactement. 4000, je crois que c'est 4500 avérés, 4500 en cours de... 4800. On n'est pas loin. 4800 confirmés. Ouais, tout à fait. Et donc 4000 et quelques qui sont en cours d'homologation. Absolument. Et on était à 4000 en 2019, donc l'accélération est intéressante. Ouais. Pourtant, donc malgré des décennies de recherche, fantasme aussi, jamais une forme de vie n'a été détectée en dehors de la Terre, aucun signal radio, il y a eu une fois un signal, mais on s'était rendu compte que c'était une comète en 2012, je crois, aucun indice, rien à quoi se raccrocher qui pourrait nous persuader donc de l'existence d'une vie extraterrestre. J'ose même pas parler de civilisation extraterrestre, hein. J'évite pour l'instant. C'est pour les vendredis science-fiction. Voilà. Pour le pourquoi. Donc premier problème, c'est que la plupart de ces exoplanètes sont tout bonnement inhabitables pour des humains, mais pas que. Elles sont soit trop éloignées de leur étoile, donc trop froides, soit trop près de leur étoile et donc trop chaudes. Puis il y a les exoplanètes qui sont à la bonne distance, mais qui n'ont pas d'atmosphère. Il y a celles qui sont gazeuses. Bref, c'est exactement comme s'il manquait à chaque fois une pièce importante du puzzle de la vie, quoi. Et à ce sujet, il y a eu une étude qui a bien cassé l'ambiance en juin dernier dans la revue Nature Astronomy. Des chercheurs donc de l'université de Naples qui sont arrivés à la conclusion que sur l'ensemble des exoplanètes connues à ce jour, une seule pourrait éventuellement être habitable. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du chiffre, ils se sont penchés pour cette étude sur ce qu'on appelle la photosynthèse oxygénique, donc qui est en fait l'ingrédient principal de la vie sur Terre, qui permet à la biomasse d'exister. Pour faire simple, c'est le phénomène donc qui permet l'apparition de molécules organiques complexes, là où avant il y avait juste du carbone, de l'eau, de la lumière. Donc c'est ce qui permet à la vie d'émerger. Et comme ils sont assez communs dans l'univers, on déduit que la photosynthèse l'est également, mais donc c'est pas le cas sur les exoplanètes, à l'exception donc de Kepler-442b, fameuse exoplanète découverte en 2015, et considérée depuis comme la plus proche de la Terre. Il y a un autre problème majeur qui explique qu'on n'ait toujours pas trouvé de traces de vie extraterrestre, c'est qu'en fait on repère les planètes les plus faciles à trouver. Ça c'est très intéressant, il y a un biais important en fait pour nos télescopes, un biais qui est dirigé vers les géantes gazeuses qui sont plus proches de leur étoile et qui sont en fait beaucoup plus brillantes, beaucoup plus repérables. Et au contraire, les petites planètes, je mets des guillemets hein, sur petites, mais les petites planètes rocheuses similaires à la Terre sont beaucoup plus discrètes. Et puis il y a un troisième gros problème, troisième écueil, c'est que même si on trouvait la planète idéale, et ça c'est incroyable, nous ne serions pas sûrs de ce que nous devrions y regarder. En fait, un de nos journalistes, Hugo Ruher, qui allait recueillir la parole de Nathalie Cabrol, donc qui est l'astrobiologiste, qui est la directrice du centre Carl Sagan, on en parlait tout à l'heure, à l'Institut SETI, donc l'institut qui travaille depuis plusieurs décennies sur la recherche de signaux et de vie extraterrestre. Et voilà ce que nous dit Nathalie Cabrol. Les biosignatures sont toujours ambiguës. Une substance a priori due à la présence d'un être vivant peut aussi être le fruit d'un processus purement géologique. Ce qui complexifie encore l'identification de vie extraterrestre. C'est ça, on pourra redire un mot de la phosphine. Le problème aujourd'hui, on avait fait une émission consacrée justement à cette question des biosignatures, c'est que nos instruments ne sont pas encore aujourd'hui suffisamment précis pour trouver ce qu'on appelle un smoking gun, c'est-à-dire de dire, ah mais si on trouve cette molécule-là, ça ne peut être absolument à 100% que de la vie organique qu'il a créée. Déjà, d'une, il faudrait qu'il existe une molécule qui soit à 100% une biosignature, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à déterminer encore, même par spectrographie, la nature de l'atmosphère de ces exoplanètes. Par exemple, on sait qu'on voit qu'il y a de l'eau, Mais est-ce que c'est de l'eau liquide? Est-ce que c'est de la glace? C'est quasiment impossible à dire aujourd'hui. Donc il y a à la fois un problème d'instrumentation et puis un problème de trouver vraiment précision. La précision de la molécule qui serait incontestablement une preuve de civilisation ou en tout cas de vie organique. Exactement, et sur ces biosignatures, alors vous en avez déjà parlé dans la méthode scientifique, dans l'émission, mais on peut rappeler en quelques mots quand même ce qui s'est passé avec l'épisode de la phosphine bien sûr, de Vénus. Évidemment. Donc la phosphine de Vénus, une affaire qui a quand même marqué les esprits l'année dernière, septembre 2020. Une étude parue dans Nature Astronomy qui assure que de la phosphine a été retrouvée dans les nuages de Vénus. Alors la phosphine, c'est un gaz proche du phosphore qui est normalement produit par des bactéries. Donc pouvait-on conclure qu'il y aurait eu de la vie dans l'atmosphère vénusienne? Dans l'étude, les auteurs émettaient plusieurs hypothèses, très prudentes, liées notamment à la présence possible de volcans. Mais évidemment, ce qui est avant tout sorti dans les médias, c'est l'hypothèse des petits aliens qui étaient dans les petits nuages et qui produisaient de la petite phosphine. Voilà, donc ça, c'est quand même important pour vous dire aussi que dans cette déception dans notre quête de la vie extraterrestre, c'est quand même une grosse responsabilité des médias. On parlait dans une précédente émission de comment on parle des lancements, ou comment on parle des atterrissages, est-ce qu'on n'en fait pas trop, nous, en tant que journalistes. Je pense qu'il y a, sur la question de la vie extraterrestre, il y a un vrai problème avec parfois des médias qui relaient des simples hypothèses parmi d'autres, et qui les transforme en découvertes avérées. Donc ça, c'est quand même un point important. Oui, puis déjà sur Vénus, on a vu à la méthode scientifique comment on passe de possible présence de phosphine, qui était déjà au maximum d'un instrument, donc on n'était pas tout à fait sûr, donc qui pourrait potentiellement être produit par des organismes anaérobies, mais on n'en est pas sûr, à des traces de vie suspectées sur Vénus. C'est-à-dire qu'on voit bien comment les raccourcis sont faits, ou même, comme vous parliez, Blaise, tout à l'heure, des exoplanètes, on voit bien aussi comment certains médias titrent de manière régulière pour accrocher les lecteurs sur « on a trouvé une jumelle de la Terre ». Et ça vous fait rire, Sébastien, mais enfin, c'est une réalité. Tout à fait, c'est une réalité trop présente. Mais dans le cas de la phosphine de Vénus, il faut aussi mettre en exergue la responsabilité des scientifiques qui ont publié ce genre d'études, parce qu'il y a quand même des enjeux de gros sous derrière tout ça, pour lancer des missions pour étudier Vénus. Ce qui est très très très très bien, hein. Il faut étudier Vénus, et il faut étudier l'atmosphère de Vénus, parce qu'il peut se passer des choses intéressantes. Il y a des bactéries dans nos nuages, donc a priori, on sait qu'il y a une zone de l'atmosphère de Vénus où la température n'est pas aussi chaude que la surface du sol qui est à 450 degrés, et où il pourrait potentiellement y avoir une zone d'habitabilité dans la haute atmosphère. Avec, tout à fait, l'environnement des nuages vénusiens à partir de 40 km, entre 40 et 70 km, est l'environnement le plus proche de la Terre que l'on connaisse dans le système solaire. Ouais. Donc c'est quand même très très intéressant d'aller voir là-bas, même s'il pleut de la sulfurique. C'est la porte à côté. Et puis par ailleurs, on est voilà, c'est ça. On peut envoyer une sonde et la voir revenir assez rapidement. Je vous laisse poursuivre, Blaise. Je vais poursuivre avec des notes d'espoir quand même, parce que là, je vous ai un peu plombé, mais il y a plusieurs notes d'espoir. La première, c'est que d'abord, le champ de recherche des exoplanètes, on l'a dit, hein, 1995 pour la première, il a beau être florissant aujourd'hui, il reste très récent à l'échelle de l'histoire. Hein, on connaît qu'un minuscule fragment des mondes qui nous entourent. Et en plus, l'échantillon qu'on connaît, qu'on a identifié, non seulement il est très réduit, mais je l'ai dit, il est très peu représentatif. Donc rien que dans notre galaxie, on sait qu'il pourrait y avoir plusieurs milliards d'exoplanètes. On parle même des exolunes qui seraient potentiellement habitables. Il y a aussi, depuis quelques années, beaucoup de recherches autour des naines rouges. Hein. C'est très, très vieilles étoiles. Naines brunes, exactement, ouais. Qui auraient des non, planètes. Donc, bien des naines rouges. C'est des rouges, je crois que c'était les rouges. Autant pour moi, alors. C'est moi qui dis bêtises. Et qu'il y aurait des planètes pas loin d'elles. Après, il y a quand même les progrès récents de la détection des exoplanètes. Alors, le James Webb télescope qui doit décoller, donc... si tout va bien de Kourou le 18 décembre prochain, promet là aussi une avancée considérable dans l'observation de l'atmosphère des planètes rocheuses, donc les fameuses petites planètes un peu cachées qu'on a du mal à voir et qui ressemblent a priori à notre Terre. Et puis, je ne peux pas ne pas parler de l'hypothèse d'imaginer la possibilité d'une vie différente, d'une vie qui se serait développée dans un environnement qui ne serait pas celui de la Terre, complètement différent de celui de la Terre, et qui prendrait des formes qui se traduiraient par des phénomènes que notre spectre sensoriel, nos cinq petits sens qu'on croit très puissants, ne seraient pas capables de détecter. Ça permettrait effectivement de tordre le cou, vous l'avez dit, au fameux paradoxe de Fermi, hein, dont on peut quand même rappeler qui prétend que l'absence de contact ou de signal extraterrestre, malgré les milliards de systèmes planétaires et d'années d'évolution possibles, serait une preuve de la non-existence de ces extraterrestres. J'aurais laissé le mot de la fin à Franck Marquis, qui est un autre membre de l'Institut SETI, qu'on avait interviewé avec Uzbek Erika il y a 2 ans et qui nous confiait cette phrase que j'aime beaucoup et qui donne un petit peu d'espoir à toutes celles et ceux qui ne se résignent pas à l'idée que nous sommes désespérément seuls dans l'univers. Il nous avait dit « Dire qu'il n'y a pas de vie extraterrestre parce qu'on n'a trouvé aucun signal, c'est exactement comme puiser un verre d'eau dans la mer et déduire qu'il n'y a pas de vie dans l'océan. » Voilà. Oui, c'est assez vrai, c'est assez joli. Je rajouterais, pour plomber un peu l'ambiance, que malgré tout, il y a un problème majeur pour la détection de la vie extraterrestre, c'est le problème des échelles de temps et des échelles de distance. C'est-à-dire trouver, nous, aujourd'hui, une vie qui serait similaire ou dans un espace observable, dans une observable suffisamment près, donc qui serait raccord avec nous sur 13,5 milliards d'années, les statistiques commencent à chuter de manière assez vertigineuse. Je dirais qu'il y a une dernière échelle qui est très importante, c'est l'échelle du financement. Entre autres. Sans oublier la constante C et la vitesse de la lumière. Par ailleurs. Voilà. N'ouvrons pas une nouvelle porte. Non, pas tout de suite. Mais on n'a peut-être pas besoin de chercher des choses très étranges dans l'espace très très loin, parce qu'il y a des formes de vie absolument merveilleuses, extrêmement bizarroïdes et tout à fait passionnantes, qui sont juste là devant nous et dont nous allons parler dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Eh bien, ce n'est pas un extraterrestre donc dont nous allons vous parler maintenant, mais c'est presque tout comme le fourmilier, le grand fourmilier outamanoir, qui est la seule espèce de son genre, est une sorte de sac à énigmes pour les éthologues, et pas seulement à cause de sa grande langue gluante de 60 cm, Cécile Breton. Vous êtes intéressé dans la revue Espèce à ce fourmilier qui, effectivement, est un animal très étrange, en effet. Oui, déjà, il a une allure très bizarre, puisqu'il a, une espèce de long nez tubulaire avec une toute petite bouche, des toutes petites oreilles et des petits yeux aussi, mais tout ça a une raison. Il a un petit cerveau aussi, d'ailleurs. Avec ce physique assez avantageux, il est à peu près comme beaucoup d'animaux qui ont une nourriture très spécialisée, c'est-à-dire que lui, il ne mange que des insectes sociaux comme les fourmis et les termites principalement. Donc c'est quand même un gros animal qui peut faire 2,20 m de longueur pour les mâles, 40 kilos. Alors il est assez étrange parce qu'en fait il est assez flanqué, donc de profil il a l'air très gros, mais de face il est un peu plus petit. Et c'est phylogénétiquement, il est assez proche des paresseux, c'est ça? Oui, c'est ça, il fait partie de l'ordre des xénarthes, c'est-à-dire, effectivement, les paresseux, les tatous. Xénarthes, ça signifie étrange articulation, ça fait référence aux articulations des colonnes vertébrales, donc il n'y a pas grand-chose à voir, enfin rien de visible en tout cas. Avant c'était les édentés, c'était un peu plus parlant, parce qu'effectivement c'est des animaux qui n'ont plus de dents, enfin qui ont perdu au cours de l'évolution en dents, et le tamanoir, lui, il a vraiment aucune... Plus rien du tout. Il a très peu d'amplitude de la mâchoire, et il est terrestre par rapport aux paresseux et aux 3 autres espèces de tamanoirs, qui sont beaucoup plus petits, qui sont uniquement arboricoles. D'accord. Alors c'est pour ça qu'il a une démarche un peu étrange, parce qu'il a un peu les pattes avant du paresseux, avec des grandes griffes, dont la plus grande d'ailleurs fait presque 10 cm je crois. Alors son nom d'espèce est Tridactyla, mais il n'a pas 3 doigts, il en a bien 5. C'est toujours les merveilles de la phylogénie et de la phylogénétique, qui au fur et à mesure a été obligé de rectifier des tirs parfois un peu hasardeux. Voilà, ouais. Puis au bout d'un moment on change plus, parce que tout le monde s'y est habitué. Donc voilà. Alors à l'avant, donc il marche un peu comme les grands singes, c'est-à-dire sur les phalanges. Oui. Donc il est digitigrade à l'avant. Ça c'est très surprenant. Ouais. Mais par contre, il est plantigrade à l'arrière. Il marche sur les. C'est pas facile à faire. Ne l'essayez pas chez vous. Ça fait très mal aux phalanges. Non. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il est quadrupède, mais néanmoins, il peut se dresser sur ses pattes arrière quand il est agressé, ouais, pour se défendre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a, malgré le fait qu'il a un métabolisme assez lent, pas aussi lent que celui du paresseux. C'est un animal qui a un métabolisme bas, avec une température de 33 degrés, qui est assez basse pour un mammifère. Par contre, il peut être assez vif, effectivement, et assez dangereux quand il se sent attaqué ou coincé. Donc il y a eu effectivement des soigneurs dans les zoos qui se sont fait attaquer. Une qui est morte. Il y a des chasseurs aussi qui se sont fait attaquer comme ça. Bon, enfin bref, il ne faut pas trop l'embêter. Donc son alimentation, je reviens au sujet principal, son arme secrète, sa langue qui fait presque 60 cm de long. qui est accroché au sternum, hein, pas à l'os hyoïde comme chez nous. Alors effectivement, il gratouille un peu pour ses griffes à l'avant, effectivement, lui servent à éventrer les fourmis miliaires. À titre de comparaison, la langue humaine fait 9 cm. Non, mais pour se rendre compte que 60 cm, c'est quand même un beau morceau. Voilà. C'est le double à peu près de la longueur de sa tête, hein, donc il fait 30 cm. Ouais, non, c'est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive, donc il fouille les termitières ou les fourmilières, effectivement, avec sa langue, en la sortant à peu près 160 fois par seconde, pour ramener le maximum d'insectes. Alors, il gobe, hein, il avale pas puisqu'il a pas de dents, donc il écrase les insectes contre 160 ça. 160 fois par minute. Par minute, oui, pardon. Ça fait un peu beaucoup. Non, je le disais, c'est 3 fois par seconde, c'est déjà pas mal, 3 fois par seconde. 3 fois par seconde. Mais 160 fois par minute, oui. Oui, c'est ça. Merci d'avoir rectifié. Et donc, il écrase les insectes sur son palais. Et ensuite, ça descend directement de son estomac à une espèce de structure un peu comme le gésier des oiseaux. C'est-à-dire une espèce de pli durci qui lui permet de broyer ses proies. Mais alors, ce qui est particulier tout de même, c'est que la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son grand défaut, mais c'est surtout pas très nourrissant, une fourmi. Voilà, c'est ça. Donc, pour un mammifère de cette taille. Voilà, c'est ce qui explique un peu aussi son métabolisme assez bas. Et puis en plus, surtout, elle se défend. C'est-à-dire que ses jets d'acide, ses mandibules lui permettent d'attaquer. Alors, il a une méthode avant d'aller se restaurer. Il a un réflexe, il pleure. J'adore ça. C'est génial. Le tamanoir pleure avant de manger. Voilà, c'est quand c'est, quand, c'est votre quand c'est votre enfant, c'est désagréable, mais quand c'est le tamanoir, c'est génial. On lui a dit moins de brocolis pour les enfants, mais ça, c'est autre chose. Ça les fait moins pleurer. Voilà, donc ça protège ses yeux, effectivement. Et ensuite, évidemment, il s'ébroue pas mal pour se débarrasser. Et alors, il reste pas très longtemps sur chaque fourmilière. Il se déplace assez vite pour éviter que les défenses s'organisent, hein, parce que c'est quand même assez agressif, les fourmis, effectivement. Voilà. Alors, il arrive à récupérer quand même 30 000 insectes par jour. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Effectivement, c'est des petites quantités, donc c'est pas très énergétique, quoi. Alors, c'est justement un mammifère qui s'économise beaucoup. Hein, il va dormir presque 16 heures par jour. Et là, il s'enveloppe dans sa belle queue touffue pour garder la température. Parce qu'effectivement, comme il est homéotherme, hein, évidemment, il gère sa température, mais il économise vraiment cette capacité en mettant un peu comme les reptiles, c'est-à-dire un peu au soleil quand il fait frais, etc. Il gère pas mal sa température comme ça. Et il est actif essentiellement aux heures les plus tempérées de la journée. C'est-à-dire qu'il n'est pas très actif la nuit. Il est bizarre parce qu'il n'est ni diurne ni nocturne. En fait, c'est un peu un opportuniste climatique, quoi. Il se sert vraiment... Il s'adapte. Alors, il est un ventre de la forêt, effectivement. On a oublié de dire, effectivement, qu'il est en Amérique centrale et du Sud, hein, donc il vit dans les forêts, les basses savanes plutôt humides. Alors, il a une autre particularité, c'est qu'on a remarqué qu'il allait se baigner. Oui. Alors, et dans des eaux froides de préférence. Voilà, c'est ça. Vous pensez jusqu'ici qu'il allait boire simplement, mais en fait, il aménage véritablement les berges, il va complètement se baigner, il ressort donc couvert de boue. Alors, pour l'instant, l'explication, elle n'est pas tout à fait claire. Et c'est des bains nocturnes en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Le tamanoir adepte du bain de minuit. Il pleure avant de manger et il va faire des bains de minuit. Comment ne pas aimer cet animal? Concrètement. Alors effectivement, ça veut dire que c'est pas pour se rafraîchir, parce que c'est pas pendant les heures chaudes de la journée. C'est pas non plus pour se débarrasser des sels minéraux qui sèchent sur la peau, comme pour les humains ou les chevaux, etc. C'est pas non plus pour les parasites, parce que c'est justement pas aux périodes même de l'année où ils sont le plus fréquents. Donc on ne sait pas. On imagine que peut-être c'est pour se débarrasser de la nourriture qui court encore sur son dos pendant un certain temps, parce que j'imagine que dans cette épaisse fourrure, ça doit grouiller. Ouais. Donc voilà, c'est un animal effectivement assez extraterrestre. D'ailleurs, je me dis qu'il aurait pu être dessiné par Moebius. Hein, je trouve. Quasiment, oui, tout à fait. Il y a effectivement tout à fait un petit air de famille. voilà, le tamanoir, c'est dans la revue Espèces de ce mois-ci. Et avant de nous quitter, j'aimerais qu'on parle de ce très très bel ouvrage que vous venez de m'apporter, Blaise, que je n'avais pas pris connaissance, en tout cas, je n'avais pas réalisé le format. C'est pour les 10 ans d'Ouzbek Erika, donc déjà joyeux anniversaire. anniversaire. Mais merci Nicolas, j'espère que vous avez pris une hotte ou un grand sac pour porter oui, ce gros objet XXL. Donc ça s'appelle Le futur à peu de choses près, parce que on a quand même un petit peu d'humilité, on essaye. C'est long titre. En fait, on revient sur une décennie de folie qui est partie dans tous les sens. On revient sur toutes les révolutions qu'il y a eu et on essaie d'en tirer la substantifique moelle pour comprendre ce qui va nous attendre dans 10 ans et au-delà. Donc 208 pages, 32 euros, il y a de la science beaucoup, il y a de l'espace, il y a de la vie sexuelle, il y a du sport, il y a plein d'entrées différentes. Donc est-ce qu'on pourra télécharger son cerveau bientôt? Est-ce qu'on va tous gober de la psilocybine pour ouvrir enfin collectivement les portes de la perception? Voilà, plein de sujets comme ça. Et en fait, l'idée est de revenir aussi sur les inventions les plus réussies, les plus improbables. On reparle du fameux porte-biberon pour smartphone, qui est quand même une de mes inventions qui m'a fait le plus halluciner au cours de cette décennie. En un mot, ça consiste en quoi, un porte-biberon pour smartphone? Ça consiste à pouvoir fixer le biberon à son smartphone pour pouvoir le téter tout en regardant Netflix. Exactement, pour pouvoir donner la téter tout en checkant ses mails ou en travaillant. C'est vraiment merveilleux. Voilà, je trouvais que c'était un des trucs les plus glauques de la décennie. Je dois dire qu'on n'est pas très loin. Voilà, mais il y a aussi des histoires incroyables comme celle de Salvatore Iaconesi, cet Italien qui avait hacké son dossier médical et qui avait une tumeur au cerveau et qui avait mis son cancer en open source. C'est le titre de l'article, histoire incroyable qui avait permis en fait de travailler avec toute une communauté et de voir en fait d'autres gens qui étaient dans la même situation. Et il a pu être guéri. C'était une histoire assez fantastique de ce hacker italien. Voilà. Donc plein d'histoires, plein d'illustrations, plein de photos. C'est vraiment c'est un très beau numéro spécial. Effectivement, il faut prendre un petit cabas pour le transporter parce que c'est un beau format. C'est quoi? C'est A4? C'est plus grand qu'A4. C'est plus grand qu'A4. Et je sais plus exactement le format, mais c'est un beau livre, comme on dit. Voilà. Avec préface d'Hervé Le Tellier aussi. Oui, le prix Goncourt, pour l'anomalie. Absolument. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, Le futur pour les 10 ans d'Ouzbek Erika, c'est dans toute bonne librairie. Absolument. Absolument. De préférence, la librairie de quartier, c'est toujours mieux. Où vous pourrez trouver également Sébastien Carassou, Le Cosmos et nous, aux éditions Équateur. Le futur, c'est publié par Ebec. Ebec, qui fait du beau livre, c'est la maison de Gallimard, tout à fait. Et à la une de la revue Espèce. Numéro 42 qui va sortir en décembre, donc sur les colonies d'oiseaux au Spitzberg. D'accord. S'interroger sur pourquoi les oiseaux vivent en colonie, les oiseaux marins. Eh bien, on regardera ça, évidemment, comme toujours, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup donc à tous les trois. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Négat-Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Olivier Bétard à la réalisation et Nasser Moussaoui à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.